الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لرونج تاديو سينيور ديز اونيفير، والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين، et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du messager de Dieu, prière et salut sur lui, avec le cours numéro 38. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. Le messager de Dieu, prière et salut sur lui, est sorti de la Mecque accompagné de son grand ami Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Mutawajjihina ila al-janub ila al-Yaman, en prenant la direction du sud, la direction du Yémen. Wal asl an yatawajjaha ila al-shamal, en principe, il devait prendre la direction du nord pour aller vers Médine, tariq al-Madina. Tawajjaha ila al-janub hakadha يتبعهم المشركون في اتجاه الشمال. هم ذهبوا إلى الجنوب والمشركون أصلاً سيذهبون إلى الشمال. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ami ont pris la direction du sud. Comme ça, les associateurs vont les suivre, mais dans la direction du nord. Et ils vont les rater, ils ne vont pas les atteindre. فَلَا يَجِدُونَهُمْ وَيَعُودُونَ خَائِبِينَ إِلَى مَكَّةِ. Ainsi, les associateurs ne vont pas trouver le messager de Dieu, prière et salut sur lui, normalement, si tout se passe bien, comme le prophète, prière et salut sur lui, l'a prévu, ils vont se diriger vers le nord, ils ne vont pas trouver le prophète en sallam, ils vont revenir déçus vers la Mecque. Wa hadha min al-takhtit al-nabawi wa min al-akhdi bil-asbab. Et là, c'était la planification, la programmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était là l'utilisation des moyens et prendre les précautions. Wa fi at-tariq kana Abu Bakr yamshi marra amama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le chemin, Abu Bakr, tantôt il marchait devant le prophète, prière et salut sur lui, wa marra yamshi wara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tantôt il marchait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa sa'alahu an-nabi alayhi as-salatu wa salam. Et le messager de Dieu, prière et salut, l'a interrogé à propos du secret, pourquoi parfois il marche devant et parfois il marche derrière. Faqala as-siddiq radiyallahu anhu, et le grand vertueux, le vertueux par excellence, Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, a donné cette réponse. Ya Rasulallah, au messager de Dieu, idha kuntu khalfa khashaytu an tu'ta min amamik, lama akun khalfa أخاف أن يأتي أحدك أحد ويضربك ويهجم عليك من هنا الأمام. Quand je marche derrière toi, l'idée me vient que quelqu'un va t'attaquer par l'avant, de devant toi. وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. Mais quand je marche devant toi, j'ai peur que quelqu'un t'attaque par derrière. رواه ابن هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète, prière et salut, lui dit: يا أبا بكر، أو أبو بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك ذوني، سي أمالور، أمتو كيل تتوش، سان كيل متوش، قال الصديق رضي الله عنه، et le vertueux par excellence, que Dieu soit satisfait de lui, dit, نعم، والذي بعثك بالحق، par celui qui t'a envoyé par la vérité, que lui. رواه البيهقي، rapporté par l'imam البيهقي. فلما وصل إلى الغار من جبل ثور, lorsqu'ils ont atteint la grotte du mont ثور, du mont Bœuf, si vous voulez, قال أبو بكر, أبو بكر دي او بروفيت صلى الله عليه وسلم كما انت مكانك لا تتحرك يا رسول الله ريست ا تا بلاس او ميساجي دو ديو نو بوج سورتو با حتى ادخل جوسكو بوين كو جونتر افون توا فارى هل فيه شيء اي جو في فوار ياتيل كلكو شوز كي بو فير مال دون لا غروت فان كانت فيه دابه ان كانت فيه حيه افا الى غير ذلك اي دون لو كاويا une vipère ou autre, un animal qui peut faire mal, comme ça cet animal, il va me faire d'abord moi, à moi mal, avant toi. Il va me toucher avant de te faire mal. Rawahu Ibn Hisham, rapporté par Ibn Hisham. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك, يعني بعد أبي بكر. Et par la suite, le messager de Dieu, prière et sagerie, est entré à son tour dans la grotte, mais après Abu Bakr. Ils ont passé cette nuit ensemble dans la grotte. Fi zamani Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, à l'époque de Omar, fils de Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, هناك رجال فضلوا عمر على أبي بكر. رجال قالوا والله عمر أحسن من أبي بكر رضي الله عنه. À l'époque de Omar, il y a des gens qui ont préféré Omar par rapport à Abu Bakr, qui ont donné une note de préférence meilleure à Omar par rapport à Abu Bakr. Ils ont classé Omar numéro 1, ils ont classé Abu Bakr numéro 2. Et par la suite, Omar a été informé de leur discussion. Et Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي » par celui qui tient mon âme dans sa main, la laylatun min Abi Bakr khayrun min Ali Omar. Par celui qui tient ma main dans, mon âme dans sa main, c'est-à-dire Dieu subhanahu wa ta'ala, une seule nuit d'Abu Bakr est meilleure que toute la famille de Omar. Pas Omar seulement, mais tous les proches de Omar. Yani layla wahida, laylat al-ghar. Omar yatakallam an layla allati qadaha Abu Bakr مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. Omar voulait dire que cette nuit que Abu Bakr a eu l'honneur de passer seul à seul avec le messager de Dieu, prière et sagerie, dans la grotte, dépasse de loin toute l'œuvre de Omar et de tous les proches de Omar. يعني ليلة الغار التي قضاها أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي, rapporté par l'imam al-Bayhaqi. وفي الصباح, le matin, c'est-à-dire le lendemain au matin, لما علم المشركون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة, lorsque les associateurs ont été informés que le messager de Dieu, prière et sagerie, a quitté la Mecque, توجهوا إلى دار أبي بكر. Ils se sont dirigés vers la maison d'Abu Bakr. Ils savent que c'est son grand ami. فخرجت إليهم أسماء, أسماء ذات النطاقين. Et sa fille أسماء leur a ouvert la porte, Asma, la femme à deux ceintures. فَقَالُوا لَهَا أَيْنَ أَبُو. Ils lui dirent, où est ton père? قَالَتْ أَسْمَا أُذَاتُ النِّطَاقَيْنِ. Asma, la femme à deux ceintures, leur dit, radiallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle, لَا أَدْرِي, je ne sais pas. وَاللَّهِ أَيْنَ أَبِي. لَا أَدْرِي وَاللَّهِ أَيْنَ أَبِي. Par Dieu, je ne sais pas où se trouve mon père. أَقْسَمَتْ بِاللَّهِ, elle a juré par Dieu. وفي الحقيقة هي لا تدري أين وصل في تلك الساعة أبوها. هي تعرف ولكن لا تدري أين وصل. Mais en réalité, elle ne savait pas avec exactitude où est arrivé à cette heure-ci son père. Donc en quelque sorte, elle n'a pas menti. C'est vrai, elle sait où il va, mais elle ne sait pas où il est exactement. فرفع اللعين أبو جهل. Et le maudit Abu Jahl a levé sa main. ولطمها على خدها, il lui a donné une gifle très forte sur sa joue, حتى سقط قرطها, jusqu'au point que ses boucles d'oreilles sont tombées sur le sol. ثم انصرف المشركون. Et après, les associateurs sont repartis. رواه ابن إسحاق, rapporté par ابن إسحاق. فاقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont poursuivi les traces des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient avec eux un expert dans ce domaine, qu'on appelle un guide, yani dalil, yaqtafi al-atar, ya'rif min al-atar, min al-atar, nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa yatba'u. حتى وصلوا إلى غار جبل ثور. Jusqu'au point qu'ils sont arrivés devant la porte de la grotte du mont Thor. وصلوا. يعني ما أخذوا طريق الشمال. Ils n'ont pas pris le chemin du nord eux aussi. Mais grâce aux traces, ils sont arrivés jusqu'à la grotte où se trouvait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقف المشركون أمام الغار. Les associateurs, avec les épées à la main, sont devant la porte de la grotte. المشركون بسيوفهم يريدون قتل وتقطيع النبي صلى الله عليه وسلم واقفون أمام الغار. Donc ils cherchaient à couper en petits morceaux le prophète, le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les voici devant la grotte. ورآه أبو بكر من داخل الغار رضي الله عنه. Et de l'intérieur, la grotte, Abu Bakr les a vus. فخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخف على نفسه لا خاف على رسول والدليل نحن رأيناه كيف كان يأتي من أمام ومن خلف ودخل في الأول للغار فهو لا يخاف على نفسه هو يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم donc أبو بكر a eu vraiment peur pas pour lui mais pour le prophète صلى الله عليه وسلم nous avons vu comment il voulait se sacrifier pour sauver le prophète صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire lui il n'avait pas peur pour sa personne, mais il veut protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala lahu, il lui dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لأبصرنا. Ô messager de Dieu, si l'un d'eux regarde au niveau de ses pieds, il nous verra, il va nous voir. Rawahu al-Imam Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed. ويجيب الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه. Et le messager de Dieu va donner cette réponse, va donner cette réponse à son ami. بإجابة كلها إيمان ويقين بالله. Mais lui a donné une réponse pleine de foi, pleine à 100%, plus que 100% de certitude en Dieu subhanahu wa ta'ala. الإجابة خارجة من فم الذي صعد فوق السماوات. La réponse est sortie de la bouche de celui qui est monté au-dessus des cieux. وتكلم مع الله. Celui qui a parlé directement avec Dieu, c'est lui qui va donner cette réponse. Va-t-il douter de la puissance de Dieu? Va-t-il douter de la force de Dieu subhanahu wa ta'ala, ou de la protection de Dieu subhanahu wa ta'ala? الإجابة خارجة من فم الذي خرج في الليل بين صفوف المشركين. La réponse est donnée de la part de celui qui est sorti pendant la nuit de sa maison parmi les deux rangées des associateurs. وهم حاملي سيوفهم qui levaient dans leurs mains leurs épées. فوضع التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه وهم ينظرون إليه ولا يرونه. Et il le regardait sans pouvoir le voir. Et il a déposé sur leur tête la terre. C'est cette personne qui va donner la réponse. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه. Le messager de Dieu dit au vertueux que Dieu soit satisfait de lui. يا أبا بكر ما ظنك بابني الله ثالثهم. يا أبا بكر ما ظنك ما تقول في اثنين Allah, هو ثالثهم. Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux dont leur troisième n'est que Dieu? On est deux, mais il y a Dieu qui est notre troisième, ça veut dire qu'il est avec nous. رواه البخاري ومسلم وأحمد. Rapporté par البخاري, مسلم et l'imam Ahmed. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. ويعمي الله أبصار المشركين للمرة الثانية. Et Dieu a aveuglé les regards des associateurs pour la deuxième fois. Pendant les 24 heures, pour la deuxième fois, Dieu a aveuglé leurs regards. فلا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وهم ينظرون للغار. Et ils n'ont pas pu voir avec leurs yeux le messager de Dieu ni Abu Bakr, malgré qu'il regardait la grotte. Al-marra al-oula kanat bil-layl, a'ma Allahu absarahum bil-layl. La première fois, c'était pendant la nuit. Dieu a aveuglé le regard. والمرة الثانية ربما قلت لا الليل هذاك وما شفناش. الآن نهار ضوء الشمس موجود. Mais maintenant, il y a le jour. La deuxième fois, c'était le jour. Et Dieu, malgré le jour, a aveuglé leur regard. ينظر المشركون إلى الغار. Les associateurs fixés par leur regard la grotte. هنا انتهت آثار محمد. صلى الله عليه وسلم. معنى دخل للغار. Ils ont dit là, il y a la fin des traces de Muhammad, prière et salut. Ça veut dire, il est dans la grotte. Al-Mufaja'a, la surprise. Yarawna ala bab al-ghar nasjal al-kabout. La surprise, ils ont vu, ils ont repéré sur la porte, toute la porte de la grotte, la toile d'une araignée. Faqalu, law dakhalaha huna ahadun. لم يكن نسج العنكبوت على بابه. Et ils ont dit entre eux, mais attendez, dans le cas où Mohammed est entré là récemment, l'araignée ne pourrait pas tisser sa toile sur la porte. رواه الإمام أحمد بسند حسن. Rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de rapporteurs correcte. المشركون أمام الغار. Les associateurs sont debout devant la grotte. Suyufuhum fi aydihim. Leurs épées se trouvaient dans leurs mains. Yuriduna qatla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchaient sans aucun doute à tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqulu Allah li a'yunihim an tandura wa la tara. Et Dieu dit à leurs yeux de regarder. Vous avez le droit de regarder, mais moi Dieu, je vous interdis de voir. Allah yaqul li a'yunihim unzuri wa la tari shay'an. Dieu dit à leur regard de regarder, mais sans voir. Wa yaqul Allah ta'ala lil ankabut unsu shabakataka 'ala al-bab. Et en même temps, Dieu s'adresse à l'araignée pour lui dire, ô araignée, tisse ta toile sur la porte par laquelle est passé mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Bi'ankabut, yani bi'hashara saghira. Wa ma ya'lamu junuda rabbi illa hu. كل المخلوقات جند من جنود الله يستعملها متى شاء. Toutes les créatures de Dieu peuvent être des soldats de Dieu qu'il va utiliser quand il veut. Là, il a utilisé un petit soldat qui s'appelle l'araignée. Yaqouat Quraysh, oh la puissance militaire Quraishite, je vous arrête avec une petite araignée pour vous montrer que vous êtes vraiment faible devant le tout puissant Allah Ta'ala Tabarak. ونصر الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم كما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة في هذه الآية. Et Dieu a prêté, a fait triompher son bien-aimé Muhammad صلى الله عليه وسلم comme le prophète lui a demandé cela pendant ou lors de sa sortie de la Mecque lorsqu'il a récité ce verset coranique لما قرأ هذه الآية واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Et donne-moi de ta part un pouvoir défenseur. Voilà la preuve. بعد تسع سنوات, après 9 ans de ça, يقول الله, خير تسع سنوات مرت, après 9 ans de ça, يقول الله للمؤمنين في غزوة تبوك. Dieu s'adresse aux croyants pendant la bataille de Tabouk, mudakkiran iyyahum hadha an-nasr ar-rabbani, en leur rappelant cette victoire divine que Dieu a accordée à son prophète. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru. Illa ya mu'minin. إذا كنتم لا تريدون أن تنصروا محمداً صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمام الأعداء وأمام الكفار, فمحمد صلى الله عليه وسلم, حبيبي محمد, غير محتاج لكم, غير محتاج لكم, لأن الله نصره أمام قوة قريش وهي أمامه بعنكبوت. هو ما يحتاج لكم, أنتم الذين تحتاجون لمحمد صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه، إلا ما بغيتوش تنصروه، ما بغيتوش تكون جنود معه تقاتلون الكفار، إلا تنصروه فقد نصره الله. محمد منصور صلى الله عليه وسلم، نصره الله، قد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا، لما خرجوه الذين كفروا من مكة ثاني اثنين، وهما اثنان، أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه، النبي يطمئن صاحبه أبا بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا. كيف تحزن يا أبا بكر والله معنا؟ نعم تحزن إذا كان الله ضدنا، ولكن الله معنا لا تحزن. Si vous ne lui apportez pas assistance, Dieu dit aux croyants après 9 ans, si vous ne lui apportez pas assistance, Dieu la lui a affectivement apportée lorsque ceux qui avaient mécru le firent sortir deuxième de deux, c'est-à-dire ils étaient deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon, ne te chagrine pas, Dieu est avec nous. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم يرها أحد، جنود الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من ملائكة وغيرها، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Et Dieu fit descendre sur lui sa sérénité, la sérénité de Dieu, le soutint par des armées que vous ne voyez point, par des armées d'anges et autres qu'on n'arrive pas à voir. Ils étaient avec lui, à côté de lui dans la grotte pour le défendre. Et fit que la parole de ceux qui avaient mécru fut la plus basse, la parole de Dieu est la plus haute, et Dieu est toujours puissant et sage. Kalimat al-kufa, la parole des associateurs n'était que l'association associée à Dieu d'autres divinités. Ils étaient contre la ilaha illallah. كلمتهم كلمة الكفار سفلى مهزومة. Leur parole, la parole des associateurs, est toujours basse et vaincue. وكلمة الله هي لا إله إلا الله. Et la parole de Dieu n'est que, il n'y a aucune divinité à part Allah. كلمة عالية, كلمة غالبة, est une parole haute et une parole triomphante. ورجع المشركون خائبون aux Khaibina ila Mecca. Et les associateurs sont revenus déçus, battus, vaincus vers leur base, la Mecque. Wa qarraru i'ta'a mukafa'a kabira qadruha 100 naqa muqabil kull wahid min al-ithnayn. 100 naqa liman yati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa 100 naqa liman yati bi Abi Bakr sahibu radiyallahu anhu. Et ils ont décidé dans leur assemblée d'accorder une grande prime pour les deux, c'est-à-dire soit pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour la tête de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou pour la tête d'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Sans chamel, comme si on dit aujourd'hui sans Mercedes ou sans BMW, imagine sans BMW, le prix. Mi'atnaqa, sans chamel, mi'atnaqa, muqabil kulla wahidin min al-ithnayn. لمن يعيدهما إلى قريش سواء حيين أو ميتين. On va donner 100 chamelles pour l'un et 100 chamelles pour l'autre. On donne cette prime, cette grande prime à celui qui va ramener les deux, soit vivants ou bien morts. وأرسلوا إلى القبائل بذلك. Ils ont envoyé des messagers de leur part à toutes les tribus des Arabes. S'il repère Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas où il le tue, où il le ramène vivant, celui qui fera ça aura 100 chamel. وصارت كل الطرق تحت المراقبة الشديدة. Et toutes les routes sont devenues sous haute surveillance. Chacun aime prendre les 100 BMW. chacun imprendre les 100 chamelles à lui seul et pas les autres. Tout le monde est sorti. Tout le monde regardait qui allait, qui bougeait, etc. كيف يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف كي يصعد الى المدينه comment va-t-il faire prier et sajourner devant cette haute surveillance pour aller du sud vers le nord وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مده 3 ايام في الغار لا يتحرك خليهم تعيوا le prophète prier et sajourner il a tout programmé il a programmé dès son départ qu'il va rester 3 jours dans la grotte, ils ne bougent pas. Comme ça, ils peuvent chercher partout. Ils ne vont pas le trouver et après 3 jours, lorsqu'ils seront fatigués, ils vont arrêter la recherche. Lui, à ce moment-là, il peut prendre, bismillah, il peut partir vers Médine. Baqiyatalat ayam filra, il est resté 3 jours, il a décidé de rester 3 jours dans la grotte, hatta yahda at-talab, jusqu'à ce que la demande, la recherche se calme. ويظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد كثيرا من مكة في ناحية الشمال. Et après 3 jours, les gens vont penser que ça y est, Mohammed prière et sa est très loin de la Mecque vers le nord parce qu'on a cherché partout et on ne l'a pas trouvé. Ça y est, il n'est plus dans la région de la Mecque. Et ils vont arrêter la recherche. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة حكيمة. Et le prophète prière et sa a établi un plan vraiment plein de sagesse, une méthode pleine de sagesse. Qabla al-Khuruj min Makkah, et son plan, il l'a établi, il l'a fait avant de sortir de la Mecque. Awwalan, premièrement, sallama al-naqatayn, naqatay Abi Bakr radiallahu anhu, sallama al-naqatayn li'abdillah ibn Urayqib, wa hada mushrik. ليأتيهما إلى الغار بعد 3 أيام. Avant de sortir de la Mecque, il a livré les 2 montures qu'a préparé Abu Bakr, si vous vous rappelez. Il a donné les 2 chamelles à un associateur, à un mécréant qui s'appelait Abdullah, fils de Urayqib. Et il lui a dit, après 3 jours, tu nous rejoins à la grotte du mont Fawr. واستعمله مقابل أجرة. Il l'a recruté en contrepartie d'un salaire, d'une rémunération. ليكون دليلهما إلى المدينة, le salaire pour qu'il soit leur guide vers Médine. وكان هذا الرجل مشركا. Cet homme était associateur. وكان خبيرا بالطريق. Mais il était un expert des routes qui menaient de la Mecque vers Médine. وكان أمينا يحفظ السر, mais en même temps elle était digne de confiance, ça veut dire il ne dévoile pas le secret. Thaniyan, le deuxième plan, le deuxième point du plan. Kana Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma, Abdullah, le fils d'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait des deux, parce que Abdullah, le fils d'Abu Bakr, était un musulman. Kana yabitu indahuma fil ghar, il passait la nuit avec eux dans la grotte chaque jour. Ils étaient 3 à dormir dans la grotte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Abdullah, le fils d'Abu Bakr. Yadhhab wa yadhhab ila Makkah Qubayl al-Fajr. Il venait vers eux après la tombée de la nuit, comme ça personne ne le voit, et il revenait vers la Mecque avant l'aube. Il restait quelques heures avec eux pendant la nuit, mais avant l'aube, il revenait vers la Mecque. Yarja qabla al-Fajr ya'oud إلى مكة. يأتي بالليل ويعود بالليل. Il venait pendant la nuit, il revenait vers la Mecque pendant la nuit. فيصبح في مكة كأنه بات فيها. Et le lendemain, il se réveille chez lui dans la Mecque comme s'il a passé toute la nuit dans la Mecque. Ça, c'est pour les espions. يستمع طول النهار لأخبار المشركين. Pendant toute la journée, il écoutait les informations qui se disaient dans la Mecque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, les associateurs, etc. Est-ce qu'ils ont arrêté la recherche ou pas? Donc ils écoutaient toutes les informations, ils collectaient le maximum d'informations pendant la journée. يجمع أكبر عدد من الأخبار بالنهار وبعد ظلام الليل. Et après la tombée de la nuit, يذهب للغار. Il partait vers la grotte. ليحكي لهما كل الأخبار afin de leur raconter toutes les informations. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار وأهل قريش لا تأتيها أخبار محمد صلى الله عليه وسلم. Donc toutes les informations des Quraychites, des associateurs allaient ou arrivaient jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم, mais les informations du prophète prière et fasoulie n'arrivaient pas vers les associateurs. النقطة الثالثة, le troisième point de ce plan prophétique, كان عامر ابن فهيرة راعي أبي بكر رضي الله عنه. Abu Bakr avait un berger qui s'appelait Amir, fils de Fuhayra. كان يرعى الغنم, il gardait les brebis, les moutons d'Abu Bakr. خارج مكة, et il faisait ça à l'extérieur de la Mecque. Et c'était une chose habituelle, normale pour les associateurs de voir le berger chaque jour sortir avec ses moutons. وبالليل قبل العودة إلى مكة كان يمر على الغار. La nuit, lorsqu'il y avait la tombée de la nuit, Amir, le berger d'Abu Bakr, il passait après la tombée de la nuit, avant de revenir vers la Mecque, il passait par la grotte. يعطيهم اللبن. Il leur donnait, leur livrait leur part de lait. ويعود إلى مكة. Juste après, il partait vers la Mecque. ويخرج بالغنم بعد الفجر من مكة. Et juste le lendemain matin, juste après l'aube, il sortait, il quittait la Mecque avec ses moutons. وهكذا كانت الغنم تمشي أو تمحي أثار أقدام عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما. Ainsi, le plan c'était quoi? C'était que les moutons, les brebis effacent sur le sable les traces de Abdullah, fils de Abu Bakr. Pendant la nuit, lorsqu'il partait pendant la nuit vers la grotte, il y avait les moutons qui passaient au-dessus de ces traces et effacées. Et le lendemain, à l'aube, il faisait la même chose. Quand Abdullah revenait vers la Mecque avant l'aube, les brebis ou les moutons passaient juste après l'aube sur le même chemin pour effacer les traces. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi était notre prophète صلى الله عليه وسلم. Il ne laissait rien au hasard comme nous. هذا الكلام رواه الإمام البخاري وابن هشام. C'est rapporté par البخاري et ابن هشام. وهكذا كانت الأخبار والطعام يصلون إلى الغار عند النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. Ainsi le repas, le lait et les informations arrivaient jusqu'à la grotte vers le prophète prière et sage lui. وبعد ثلاث أيام, après trois jours, لما هدأ البحث, lorsque la recherche s'est accalmée, والتفتيش عن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ, et lorsqu'ils ont arrêté leur inspection, leur recherche et tout ça, جاء الدليل عبد الله ابن أريقط إلى الغار بالناقتين. Le jour même, le rendez-vous fixé après trois jours, Abdullah, fils de Ureyqit, le guide de ce grand voyage, est arrivé devant la grotte avec les deux chamelles. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وراعيه راعي أبي بكر عامر ابن فهيرة والدليل توجه الأربعة إلى الجنوب. Et les quatre, le prophète صلى الله عليه وسلم, أبو بكر, le berger, Amir, fils de Fuhayra, le berger d'Abu Bakr, et le guide, Abdullah, fils de Ureyqit, ces quatre sont sortis de la grotte et ont pris la direction du sud, comme s'ils partaient vers le Yémen. توجه الأربعة إلى الجنوب, نحو اليمن, ils sont dirigés vers le sud, direction du Yémen. ثم من بعد توجهوا غربا نحو الساحل. Et après quelques kilomètres, ils ont changé de direction vers l'ouest, vers la partie littorale, vers la mer rouge. La mer se trouvait à leur droite, donc ils se sont dirigés vers l'ouest pour aller vers la mer. Lorsqu'ils ont atteint la mer, à leur arrivée vers le bord de la mer, ils se sont dirigés vers le nord, ça veut dire vers Médine. يعني تركوا مكة هنا مثلا هذه مكة نزلوا ils sont descendus vers le sud vers la mer et au bord de là ils ont longé la mer pour aller vers Médine ils ont لسي لاميك، هكذا فعلوا. اتبعوا طريقا غير مألوف. الناس لم يكونوا يأخذوا هذا الطريق بعيد وصعب، الناس لم يكونوا يذهبوا في هذا الطريق. Donc ils ont suivi un chemin non habituel, un chemin difficile que les gens ne prenaient pas. رواه ابن هشام، rapporté par ابن هشام. ولكن رغم اتخاذ الأسباب ورغم التدبير المحكم، mais malgré les précautions, malgré tous les moyens utilisés par le prophète صلى الله عليه وسلم, malgré la grande préparation, la préparation sage et précise, رغم الاحتياطات الكبرى, تبعهم سراقة ابن مالك. سراقة, fils de Malik, les a poursuivis. عند قبيلة بني مدلش, au niveau de la tribu qui s'appelait les enfants, les Banu Mudlish. وكان يريد المئتي ناقة. سراقة, le chef de sa tribu, رئيس قومه, رئيس قبيلته, كان يريد المئتي ناقة. Il cherchait à avoir auprès des Mekwa les 200 chamelles. فسراقة كان جالسا مع أصحابه. سراقة était assis avec ses amis dans sa tribu. فجاء رجل من قومه, un homme de son peuple est venu, وقال رأيت أسودة, رأيت أسودة جمع سواد, يعني رأيت أسودة في الساحل. Il leur a dit, cet homme est venu, il a dit aux gens de la tribu, j'ai vu, j'ai repéré des silhouettes à côté de la mer. أراها محمدا وأصحابه. Et je pense qu'il s'agit des personnes de Muhammad et ses amis. وعرف سراقة أنهم فعلا محمدا وأصحابه. Et سراقة était sûr que l'information concernait exactement Muhammad, prière et ses amis. وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَامَ أَصْحَابِهِ. Mais il a gardé ça pour lui. Et il a dit devant ses amis, إِنَّهُمْ لَيْسُوا أُولَئِكِ. Non, non, ce ne sont pas eux. وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انطلقوا أَمَامَنَا. قَالُوا شفت انت رأيت شفت فلان وفلان ظهر الله مشوا الآن قدامنا. كذب كذب. Il a dit à cet homme-là, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses amis, mais tu as vu telle et telle personne qui sont parties tout à l'heure devant nous. Il a inventé un mensonge. Après une heure, il a quitté ses amis à leur place. Il a pris son cheval et il a suivi discrètement en cachette Mohammed prière et sajouri. فلما اقترب من النبي, lorsqu'il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وسمع قراءته للقرآن, et il a entendu la récitation coranique du prophète prière النبي كان مع الله. Le prophète était avec Dieu, en train de réciter les versets coraniques, en train de réciter la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. Le prophète ne se retournait même pas, il est avec Dieu. وأبو بكر خائف على النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفت كثيرا. أبو بكر était effrayé, pas pour lui, pour le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'un malheur touche le prophète prière et sajouri. وأبو بكر se retournait plusieurs fois, il regardait l'homme qui s'approchait, il se retournait خائف. فعثرت فرسه, et son cheval a trébuché. فسقط سراقة, et سراقة est tombé du haut de son cheval. ثم قام وتبعهم حتى اقترب منهم. Et après il se leva et il les a suivis sur son cheval jusqu'au point qu'il est devenu tout proche d'eux. فغاصت يد فرسه في الأرض. Et les deux premières pattes ont plongé dans le sol qui est un sol dur. يعني الأرض صلبة كما قالوا في الرواية. Donc les rapporteurs du hadith, ils ont dit le sol était dur. Et malgré cela, le sol a avalé les deux pattes du cheval. Ou a saqata suraqa, et suraqa est tombé du haut de son cheval. Al-ard touftah, la terre s'ouvre. La ilaha illallah. Fa atar. Fa saqata suraqa marra thaniya. Donc après cette deuxième chute de سراقة, ولما خرجت فرسه يديها بصعوبة, son cheval a tiré ses deux pattes avec beaucoup de difficulté du sol, مع خروج الرجلين خرج غبار ساطع في السماء مثل الدخان. Il y a une poussière qui est sortie en même temps que de la terre, en même temps que les deux pattes, et cette poussière brillante est montée vers le haut du ciel comme de la fumée. فهم سراقة أنه أمام نبي. À ce moment-là, Suraqa a compris qu'il est devant, qu'il est face à un prophète et qu'il ne peut rien faire à ce prophète. Faqala Suraqa. Et Suraqa dit, Ya Nabi Allah, ô prophète de Dieu, Mourni bimashit, demande-moi ce que tu veux, ordonne-moi ce que tu veux. Qala lahu Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète prière et sa sur lui dit, Qif makana, reste là où tu es. N'avance plus vers nous. Ne bouge plus. La tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Et ne laisse personne nous rejoindre. Fakana suraqa. Yani, tu vas rester comme un gardien pour nous. Là. Fakana suraqa fi bidayati yawmihi. Jahidan fil qada'i ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Au début du jour, suraqa faisait tout son possible pour finir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et prendre les 200 chamelles. Fasara fi akhir an-nahar mudafi'an 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin de la journée, Suraqa s'est transformé en un défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu al-Imam al-Bukhari, rapporté par l'Imam al-Bukhari et par d'autres rapporteurs. Wa hadhihi mu'jiza lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit là d'un grand miracle pour le prophète prière et sa souris. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Ayyadallahu nabiyahu bijunudin min al-malaika la tura. Et Dieu a assisté son prophète avec une armée d'anges invisibles. Wa fi at-tariq marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi khaymati imra'a ismuha Umm Ma'bad. Dans le chemin de l'exil, le prophète prière à peu près à 130 km de la Mecque vers le nord est passé par une tente, par l'habitation d'une dame, d'une vieille dame, qui s'appelait Umm Ma'bad, la mère de Ma'bad. Wa kanat 'indaha shat la haliba laha. Cette dame avait une brebis qui ne donne jamais du lait. Fa talaba an-nabi, yani ma ta'ti al-laban hadi, ma ta'ti al-halib. Fa talaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-mar'a wa an-nabi yuhib al-halib. طلب من المرأة أن يحلب الشاة. Et le prophète qui aimait le lait a demandé à cette dame de lui donner l'autorisation de traire sa brebis. فقبلت أم معبد. La mère de معبد a donné cette autorisation, a accepté. Yani, la brebis ne donne jamais du lait, tu peux. وملأ النبي مسها بيده الكريمة فامتلأ الضرع. Et le prophète prière a touché avec sa main cette brebis et le lait s'est constitué grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mala'a an-nabi alayhi salatu wassalam al-ina'a min halib tilka ash-shat. Et le prophète prière a rempli le grand récipient du lait venant de cette brebis. Fasharibu, et tout le monde a bu. Il a servi tout le monde et à la fin il a bu. Sallallahu alayhi wa sallam. أعطى الحليب لكل الناس وحتى للمرأة ومن بعد شرب صلى الله عليه وسلم فشربوا جميعا ثم قام بنفس الشيء حلب مرة أخرى وترك لها الإناء مملوءا. Et il a fait la même chose, une deuxième traite de lait, il a laissé le récipient plein et il l'a donné à la dame. رواه ابن إسحاق وغيره البيهقي وغيرهم. Rapporté par l'imam ابن إسحاق et par l'imam al-Bayhaqi et d'autres. Il s'agit là d'un autre miracle du prophète prière et sagesse. Wa qabla al-wusul ila al-Madina, avant d'arriver à Médine, il taqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qafila raji'a min ash-Sham. Le prophète prière et sagesse lui a rencontré une caravane de musulmans revenant de la Sichem, de la Syrie et de la Palestine. Fiha Zubayr radiyallahu anhu. Dans cette caravane se trouvait, ou parmi les hommes de la caravane, se trouvait Az-Zubayr, que Dieu soit satisfait de lui. فَكَسَ الزُّبَيْرُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ ضَيَاضٍ جَدِيدًا وَكَانُوا قَرْبُوا مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى لَا يَدْخُلُوا بِلِبَاسِ بَالِيَةٍ وَمُغَبَّرَةٍ وإلى غير ذلك قدام الأنصار وقدام فأعطاهم ثيابا بيضا جديدة أتى بها لا زالت جديدة اشتراها من القدس. Et Az-Zubayr leur a donné des habits blancs neufs, des vêtements neufs et blancs, parce que leurs vêtements étaient un peu sales à cause de ce grand voyage qui a duré plusieurs jours, à peu près 15 jours ou plus. Ils étaient proches de Médine, donc ils vont changer leurs habits et porter des habits neufs, blancs, pour entrer à Médine. Rawahu l'imam Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Wa huna aqumu bi ba'd al-mulahadat. Et là, je vais faire quelques remarques. Wa natruk dukhul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-madina fi al-usbu' al-qadim in baqina bil-hayat. Là, je vais donner quelques remarques et je laisse l'entrée à Médine du prophète, prière et sa suite, à la semaine prochaine, si inshallah. أولا الملاحظة الأولى la première remarque النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر نهارا أمام الناس. Le prophète prière et sa suite n'a pas fait son hijr, n'a pas démarré son hijr le jour, dans la lumière du jour, devant la foule. رغم أنه شجاع, malgré qu'il était, tout le monde, il y a l'unanimité que le prophète était un grand courageux, qui n'avait pas peur, il était courageux. رغم أنه شجاع وَلَا يَخَافْ مِنَ النَّاسِ. Et malgré qu'il n'avait pas peur des gens, لِأَنَّهُ قُدْوَ لِلْمُسْلِمِينَ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était le modèle des musulmans, le modèle à suivre par tous les musulmans. وَمِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ يُوجَدْ الضَّعِيفِ. Et parmi sa nation, parmi les musulmans, se trouve toujours et se trouvera toujours les gens faibles, les personnes faibles. فهاجر صلى الله عليه وسلم ليلا من اجلهم. Pour ces faibles, le prophète صلى الله عليه وسلم a fait son exil ou a fait son hijr pendant la nuit. واختفى في الغار ثلاث ايام. Et il s'est caché dans la grotte pendant 3 jours, il a arrêté, etc. ليبين للمسلمين, afin de montrer aux musulmans, وخصوصا الضعفاء, ان ذلك جائز. Afin de montrer aux musulmans et surtout aux faibles parmi les musulmans comme quoi il est permis pour un musulman, lorsqu'il a peur et lorsqu'il est faible, de se cacher et de prendre les précautions et de ne pas s'exposer, etc. وَهَذِهِ رَحْمَةٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ. Et il s'agit là d'une clémence, d'une miséricorde de sa part, prière et sur lui, pour sa nation. ثانياً, la deuxième remarque. النبي صلى الله عليه وسلم قام بتخطيط دقيق. Le prophète prière et sur lui, avec beaucoup de précision, il a programmé son hijr. وبتنظيم عجيب, il a fait une organisation de ce voyage, une organisation extraordinaire. واتخذ كل الاحتياطات, il a pris toutes les précautions possibles. خرج ليلا, il est sorti pendant la nuit. ودخل الغار ثلاث أيام حتى ينتهي الطلب. Il est resté dans la grotte pendant 3 jours jusqu'à la fin de la recherche. اتجه جنوبا, il s'est dirigé vers le sud au lieu de se diriger directement vers le nord. وليس شمالا. عبد الله ابن أبي بكر يأتي بالأخبار ليلا. عبد الله fils de Abu Bakr ramenait ou apportait les informations la nuit. الراعي يأتي بالحليب, le berger apportait ou ramenait le lait. ويخفي آثار عبد الله بالغنم, et il cachait, il effaçait les traces des pieds de عبد الله avec son troupeau, il a arrêté, etc. كل هذا لإنجاح مشروعه. عنده مشروع, عنده مشروع هجرة. كي ينجح المشروع لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بكل هذه الأسباب. Tout cela afin de donner la réussite à son projet. Il avait un projet, il devait réussir son projet, c'était l'hijr de la Mecque vers Médine sans qu'il soit pris par les associateurs. يعني لا يوجد في الإسلام العفوية. Ceci signifie, mes frères et mes sœurs, et on doit pleurer pour ce qu'on fait nous. Ceci signifie qu'en islam, il n'y a pas le hasard. On ne doit pas faire les choses comme ça, comme on peut, dernière minute, au hasard. Al-islam dinun nizam. L'islam est la religion de l'ordre. Wat-tanzim, la religion de l'organisation maximale. La yujad fil islam taf'al umur fi akhir daqiqa. Il n'existe pas en islam, c'est à la dernière minute et on court pour faire quelque chose. Wallah sayyouin, et on dit et Dieu va nous aider, Dieu est avec nous, va nous aider parce qu'on est musulmans. Là, ça c'est pas l'islam. La budda min tadbir, وتخطيط لكل مشروع. Il est nécessaire de faire une grande préparation, une grande programmation, une grande planification pour chaque projet. لابد من الأخذ بالأسباب بكل الأسباب. Il est nécessaire, il est obligatoire d'utiliser tous les moyens possibles. وأخذ الاحتياطات et de prendre toutes les précautions possibles. هذا واجب. Il s'agit là d'un devoir en islam. وبعد ذلك توكل على الله. Et après cela, quand tu as fait tout ça, tu peux te remettre à Allah Ta'ala. Tu peux à ce moment-là compter sur Dieu. D'abord, compte sur toi, fais tout ce que tu dois faire normalement, et après, laisse les choses à Allah Ta'ala. C'est ce qu'a fait le messager de Dieu, prière et saint. Il a pris toutes les précautions et tous les soins. Il a fait son devoir, il a accompli son devoir. Mais malgré tout cela, les associateurs sont arrivés jusqu'à la porte de la grotte où ils se cachaient. Là, il a compté sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Là, Dieu l'a défendu. قام بكل الاحتياطات. Il a pris toutes les précautions. ورغم ذلك تبعه سراقة. Malgré cela, il a été suivi par سراقة. فتوكل على الله. Et il s'est remis à Allah Ta'ala wa Tabarak. Il a compté sur Dieu. هنا دفع الله عنه. Là, Dieu l'a défendu. Et les pattes du cheval sont entrées dans le sol dur. أنت واجب أن تستعمل كل الأسباب التي تحت قدرتك. Ton devoir, mon frère ou ma soeur, d'utiliser tous les moyens dont tu es capable, qui rentre sous ta capacité. ولكن لا تظن أن الأسباب المستعملة هي التي تأتي بالنتائج. Mais lorsque tu fais tout ton devoir, tout ton possible, en faisant tous les moyens, surtout mon frère ou ma sœur, ne compte pas, ne pense pas que ce sont ces moyens qui vont t'apporter les objectifs ou les fruits que tu cherches. النتائج بيد الله. Le résultat se trouve entre les mains de Dieu. يأتي بها أو لا يأتي بها. Il peut apporter le résultat de tes moyens ou il peut refuser. C'est Allah Ta'ala Tabarak. لهذا توكل على الله. اعمل وتوكل على الله. Raison pour laquelle œuvre et après compte sur Dieu Subhanahu wa Ta'ala. لا تتوكل على الأسباب. Ne compte pas sur les moyens. واستعن بالدعاء الكثير. Et fais-toi aider par beaucoup de prières et d'invocations. حين استعمال الأسباب وبعد استعمال الأسباب. Lorsque tu agis, lorsque tu œuvres, lorsque tu fais les moyens, tu utilises les moyens. Et après l'utilisation des moyens, pendant et après, n'oublie pas d'invoquer Dieu, de prier Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cela dans tous les domaines. Un projet de mariage, tu dois faire comme ça. Un projet d'éducation d'enfants. Un projet d'études scolaires. Il a arrivé, etc. Troisièmement, يجوز استعمال غير المسلم لإنجاح مشروع إسلامي وإعطائه أجر على ذلك. Il est possible, il est permis d'utiliser, de demander les services d'un non-musulman afin de faire réussir un projet islamique et de donner un salaire en contrepartie à ce non-musulman. إذا كان غير المسلم أمينا وخبيرا. Dans le cas où le non-musulman est digne de confiance et un expert dans ce domaine-là. Wa khabir fi dhalika al-maydan kama fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'a ad-dalil lis-safar Abdullah ibn Uraiqit, exactement comme l'a fait le prophète prière et sa souris avec le guide du voyage qui s'appelait Abdullah fils de Uraiqit. Rabi'an quatrièmement, Abu Bakr radiyallahu anhu bayyana fi hadha as-safar kayfa yajib an yakuna al-mu'min al-mithali. Abu Bakr a montré pendant ce voyage comment le croyant exemplaire devait être في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم dans son amour pour le messager de Dieu prière. أخذ المال كله. Il a pris toute sa fortune. وترك عائلته بلا شيء. Il a laissé sa famille ou les membres de sa famille avec rien. ضحى بالمال. Il a sacrifié la fortune. وضف أفراد عائلته. Il a utilisé tous les membres ou les quelques membres de sa famille. ابنه عبد الله. Son fils عبد الله يأتي بالأخبار. il apportait les informations. Les Rasoul, il apportait les informations aux messagers de Dieu, comme on l'a vu. Ibnatuhu Asma, dat an-nipaqayn, a'addat at-ta'am lis-safar. Safi Asma, la femme à deux ceintures, a préparé le repas du voyage. وَلَمْ تَكْشِفْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَتْ. Elle n'a pas dévoilé le secret du prophète lorsqu'on l'a interrogé. فَلَطَمَهَا أَبُو جَهَلْ. Elle a été giflée avec force de la part d'Abu Jahl. رَعِيْهِ عَامِرْ يَأْتِي بِالْحَلِيبِ. Le berger d'Abu Talib ou d'Abu Bakr, il apportait le lait le soir, il a arrêté, etc. وَضَحَّ بِنَفْسِهِ. Abu Bakr, ضَحَّ بِنَفْسِهِ. Abu Bakr a presque été sur le point de se sacrifier, de sacrifier sa propre personne en faveur du messager de Dieu, prière sur lui. كَانَ يَحْمِ النَّبِي. Il protégeait le prophète, prière, مِنَ الْأَمَامِ, de devant, وَمِنَ الْخَلْفِ, et de l'arrière. وَدَخَلَ الْغَارِ قَبْلَ النَّبِي. Il est entré dans la grotte avant le prophète, prière. Peut-être il y a un serpent, une vipère, etc. وَبَكَ مِنَ الْفَرْحَةِ. لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ صَدِيقُ الرِّحْلَ. Il a pleuré de joie lorsqu'il a appris qu'il était l'ami du voyage. وَبَكَ مِنَ الْحُزْنِ خَوْفًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا اقْتَرَبَ الْخَطَرِ. Il a pleuré de chagrin devant le danger lorsque le danger était proche du prophète, prière et sa sourire. فَشَرَّفَهُ اللَّهُ وَذَكَرَهُ فِي الْقُرْآنِ وَاعْتَرَفَ لَهُ بِالصُّحْبَةِ. Et Dieu l'a honoré, l'a cité dans le Coran et lui a reconnu son amitié à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه صاحبي أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son ami, ne te chagrine pas, Dieu est avec nous. اثنان النبي وأبو بكر والله ثالثهما. Deux qui étaient le prophète et Abu Bakr, et leur troisième n'était que Dieu. Les savants ont compris que ce verset coranique contient une indication à la anna Abu Bakr huwa alladhi yastahiqu an yakuna khalifatan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont compris à partir de ce verset que Abu Bakr méritait d'être le calife, le successeur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختاره للصحبة من بين كل الصحابة. Le prophète l'a choisi pour être son compagnon de route parmi tous les autres. ووصفه الله بثاني اثنين. Dieu l'a qualifié, l'a décrit par deuxième de deux. فهو الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il est le deuxième après le messager de Dieu. الملاحظة وهكذا فعل أبو بكر. Ainsi a fait Abu Bakr. وأنت أخي أنت أختي toi mon frère toi ma sœur ماذا فعلت للإسلام. Qu'est-ce que tu as fait pour l'islam. يوم تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le jour où tu seras devant face ou bien face au prophète, prière et ça sur lui. ويسألك ماذا ستقول. Et il va t'interroger. Qu'est-ce que tu vas dire. Regarde ce que va dire Abu Bakr par exemple. Mais nous qu'allons-nous dire. الملاحظة الخامسة والأخيرة. La cinquième et dernière remarque. وقعت معجزات كثيرة أثناء الهجرة آخرها مع سراقة. Il y a eu beaucoup de miracles et le dernier était avec سراقة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prie à celui lui dit كيف بك إذا لبست سوار الكسراء. Qu'est-ce que tu vas faire. Que penses-tu du jour où tu vas porter les deux bracelets de كسراء. كسراء c'est l'empereur perse. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من مكة. Le prophète prière et sa souris, on l'a fait sortir, son peuple l'a fait sortir de la Mecque. Il n'avait aucun pouvoir. ويبشر سراقة أن المسلمين سيقضون على القوة العظمى العالمية الفارسية في ذلك الوقت. Et le prophète a donné cette bonne nouvelle à سراقة dans ces conditions difficiles, comme quoi dans le futur, les musulmans vont mettre fin à la plus grande puissance militaire dans le monde, qui était la puissance perse. وَسَيَلْبَسُ سُرَاقَةُ سِوَارَي الْإِمْبَرَطُورِ. Et comme quoi il lui annonce que Suraqa va porter un jour les deux bracelets de l'empereur. وَتَمُرُّ الْأَيَّامِ. Et les jours se sont passés. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu est parti chez Allah. Il est décédé. ويموت أبو بكر رضي الله عنه. Et par la suite أبو بكر est décédé. وفي زمن عمر. Et pendant l'époque de عمر. تفتح أرض فارس. Les musulmans ont conquis la terre perse. ويصل إلى عمر في المدينة سواري كسرى ومنطقته وتاجه. Et les musulmans ont apporté à Omar dans la Médine, dans la ville du prophète Pierre et sa souris, les deux bracelets de l'empereur, sa ceinture et sa couronne. فَدَعَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُرَاقَ. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a appelé Suraqa, فَأَلْبَسَهُ إِيَهُمَا, et lui a fait porter les deux bracelets. كَمَا وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, exactement comme l'a promis ou l'a avancé le messager de Dieu, prière et sagesse. فَقَالَ Suraqa, et Suraqa dit, Allahu Akbar, Dieu est très grand. Alhamdulillah, la louange entière est à Allah, alladhi salabahuma Kisra, qui a privé Kisra de ses, l'empereur de ses bracelets, alladhi kana yaqulu ana rabbun nas, cet empereur qui disait dans le passé, je suis le seigneur des hommes, wa albasahuma Suraqa ibn Malik, a'rabi min bani Mudlij, et il les a fait porter par Suraqa, fils de Malik, un bédouin de la tribu des Banu Mudlij. ثم أركبه عمر, et Omar lui a donné un cheval et lui a dit de faire le tour de la ville. وطيف به في المدينة, والناس حول, les gens étaient autour de lui, وهو يردد الله أكبر والحمد لله, il était en train de répéter ou de dire à haute voix, Dieu est très grand, la louange entière est à Allah. رواه ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب, rapporté par ابن عبد البر. وإلى حصة قادمة إن شاء الله, et vers une séance, il y a une autre séance prochaine إن شاء الله. اللهم إني لا إن فأمنوا, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا رب, يا من لا إله إلا أنت, بلغ صلاتنا وسلامنا في هذا اليوم إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم, واحدا واحدا, واحدة واحدة. اللهم كما جمعتنا اليوم حول سيرته, اللهم اجعلنا ممن يتبع في الدنيا سنته, وكما جمعتنا اليوم حول سيرته, اللهم اجعلنا أو اجمعنا حول حوضه غدا يوم القيامة, واسقنا من حوضه شربة لا نعرف الظمأ بعدها يا رب, وادخلنا معه إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة, تقدموا إلى الأمام يرحمكم الله.